On a fait la recherche, l'équipe de recherche supervisée par Geneviève Belleville, professeure à l'école de psychologie de l'Université Laval. Elle s'est intéressée à la relation entre les cycles lunaires et le nombre de patients admis aux urgences pour des problèmes de santé mentale. On n'a peut-être pas cherché à bonne place. Le monde vire débile, mais c'est pas un problème de santé mentale. Ouais, le monde vire fou, mais ça veut pas dire qu'ils se saoulent, ça veut pas dire qu'ils prennent de la drogue plus, ça veut pas dire que c'est le premier du mois. Non. Le premier du mois, il y a un chèque qui rentre pour les gens qui ont juste ça à faire dans leur vie, prendre de la drogue, puis prendre de la boisson, puis cette journée-là, ils se mettent chaud, puis ils se gèlent. C'est pour ça qu'ils se ramassent dans les hôpitaux en phase de psychose. Mais la pleine lune, ça a un effet. Même sur les gens qui se pensent les plus normaux, là, il y a un effet pareil. Mes meilleures baisses souvent finissent en regardant par la fenêtre, tu constates que la lune est pleine.